Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Le nourrisson était né à terme, un peu poupin, certes, mais d'un tempérament fort jovial. L'encrier couleur 3 n'était pas si éloigné. Depuis, la chose a évolué, varié, bref, a continué. Merci de votre écoute, de votre fidélité et bon été à tous. Rendez-vous à la rentrée. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Les soldats d'Algérie vous parlent. Je suis parti me battre pour la France et puis, qu'est-ce qu'on a fait de moi ? Cette semaine, la torture en Algérie. On était des jeunes appelés, on disait l'Algérie, la France, tout, on ne savait plus bien où on en était. Hein. De la revendication d'indépendance à une pacification sanglante. Qu'est-ce qui a tiré là ? Qu'est-ce qui a tiré ? C'est que ce merdier là, vous avez vu quelque chose ? Ces massacres d'un côté ont provoqué plusieurs milliers de morts, on parle de 8000. Bonjour. Cette nouvelle semaine d'Histoire vivante aura pour thème la torture en Algérie. Quand on a dit ça, une moitié des gens a déjà fichu le camp, écœuré par le trop-plein des preuves sans cesse renouvelées de l'incurie humaine, et puis les autres qui ont peut-être traversé ces événements de près, à moins que ce ne soit un de leurs proches, pointent déjà l'oreille, attentifs, méfiants. Mais que va-t-on dire encore ? Que va-t-on dire de plus ? L'abcès contiendrait-il quelques matières purulentes non extraites ? Et après tout, qu'importe, quand bien même il en comporterait, on ne veut plus entendre parler de tout ça. Va-t-on bramer d'un côté tandis qu'on va s'exaspérer de l'autre ? Tout n'a pas encore été dit. Mais le tout sera-t-il jamais dit ? Attention, pente vertigineuse. Les camps, les opinions ne sont-ils pas à jamais irréductiblement installés ? Les convictions faites ? Quel travail de charognard, les médias bien au chaud, le cul dans le beurre, les pieds devant la cheminée, veulent-ils une nouvelle fois offrir au public ? En ouvrant ce dossier, et à l'heure où j'écris ces lignes, je vous avouerai que je n'en sais rien moi-même. Alors prenons un petit papier au hasard, dans le haut de forme du magicien qui sommeille en chacun de nous, déplions ce petit papier, il y est écrit « Y voir clair, même au prix du recensement ». On peut repiocher ? Non, on a le droit qu'à une. Bon, bah alors, oui, bon. Bah alors, comme je dis couramment à mon combiné, allô ? Chapitre 1, Ex Libris. Récemment, une femme, Raphaël Branche, enseignante et chercheur, a fait paraître un livre issu de sa thèse de doctorat d'histoire intitulé « La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie ». L'ouvrage est paru chez Gallimard. Cet ouvrage s'intéresse entre autres à l'ensemble des dispositions techniques mises en place par l'administration de l'époque, les administrations je devrais dire, car la volonté de maturité et d'indépendance algérienne va absorber dans son appétit d'ogre plusieurs gouvernements français et un changement de constitution en plus. Ces dispositions techniques gouvernementales vont ouvrir la voie à une violence répressive exercée par un certain nombre de militaires sur le terrain. Les militaires seront rapidement, sur place, divisés en deux catégories, les engagés et les appelés. Autrement dit, des gens expérimentés, les engagés, ils sortent pour beaucoup d'une guerre en Indochine, perdue par la France, une guerre où ils ont laissé beaucoup, beaucoup de camarades, et à côté, des bleubites, autrement dit, des non-expérimentés, des jeunes puceaux sur le terrain de la violence. La violence de toutes les armes, des plus bruyantes, celles à feu, jusqu'aux plus silencieuses, les armes blanches maquillant les morts du tristement célèbre sourire kabyle. Pour un grand nombre de ces jeunes engagés, ce baptême du feu constituera une période où le reste de leur vie s'en trouvera caché. Dans le conflit entre la violence individuelle ou collective à laquelle ils se trouvent nouvellement confrontés, opposés aux fragiles barrières de la morale et de la conscience, Ces jeunes cocus de l'histoire, comme on les a souvent appelés, vont mordre la poussière, manger leur chapeau, avaler bien des couleuvres, et la plupart du temps, préférer se taire, après souvent avoir vomi. Mais depuis peu, ils parlent, depuis peu, la chape de plomb culpabilisatrice qui a fait de certains d'entre eux des apprentis tortionnaires, découvrant un trouble, un curieux trouble hypnotique dans les cris, les hurlements de leurs victimes, découvrant ce trouble jusqu'à l'écœurement. Mais parler pour tous ceux qui n'avaient pas pour vocation fondamentale d'être des sadiques, cela veut dire faire remonter à la surface des convulsions, des nausées, maintes fois enfouies. Quand certains de ces apprentis bourreaux témoignent, leur convulsion faciale, leur émotion, ressemble à s'y méprendre à celle des victimes. Avec vos camarades, quand vous étiez dans la chambrée, quand ils avaient pratiqué ces tortures, vous n'essayiez pas entre vous de vous raisonner, de vous dire « c'est pas bien ce qu'on vient de faire là ?» C'est évident que tout le monde pensait que c'était pas tout à fait normal, que c'était pas humain, que c'était pas... Mais c'est l'armée qui demandait qu'on aille au maximum de ce qui était possible pour avoir le maximum de renseignements possible et que l'armée considérait qu'il n'y avait pas d'autre moyen que ça, quoi. Alors, moi, je me suis trouvé devant ce dilemme. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai encore plus souffert que d'autres. C'est cocu qu'un beau jour, un État a appelé sous les drapeaux en leur demandant d'être aux ordres. Et puis, passer les ordres, plus rien. Ce même État, dans un grand et magnifique silence radio, un silence qui a rendu ces jeunes acteurs coupables. Coupables d'avoir été là et d'avoir fait ce qu'on leur avait dit, ou peut-être plus, ou peut-être pire. L'ordre suppose que l'on se trouve sur le terrain du devoir et de l'obéissance, pas sur celui de l'opinion. Retour en arrière, dans le passé, nous nous transportons dans les années 40. Chapitre 2. Drôle de drame. D'ordinaire, parler du 8 mai 1945 à un grand nombre de gens d'un certain âge, ils vous répondront avec une large banane jusqu'aux oreilles que c'est sans doute un des plus beaux jours de leur vie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce 8 mai 1945, c'est aussi celui que l'on appelle le jour de la libération. Jour de victoire, ça s'embrasse, ça s'enlace, ça se roule des pelles sur les chars d'assaut transformés d'un coup en cabriolets pour grappes d'amoureux. Avec le canon qui pointe, je vous laisse apprécier le symbole. Jour de victoire, on marque des deux doigts formant le V, un V enthousiaste, chaleureux, alors qu'avec un seul doigt, c'est tout de suite plus vulgaire, hein, puis plus suspect également pour l'époque. Mais bon, ce 8 mai 1945, c'est aussi l'acte de naissance d'une guerre. En effet, ce 8 mai 1945, alors que d'un côté de la Méditerranée, on fête l'écroulement de l'Allemagne nazie, de l'autre... Un soulèvement massif marque le début d'une nouvelle guerre. Plus discrète, sans doute, plus régionale, mais on ne parle pas du tout de guerre pour le moment. Le pays où le drame s'est passé est une colonie de la France, l'Algérie. Un territoire immense, recouvert d'un désert encore plus immense, sur lequel les Français sont implantés depuis maintenant le début du 19e siècle. Ils sont ici, chez eux. Pour le moment, il ne s'agit que d'un soulèvement massif qu'on observe dans le nord constantinois. Mais un soulèvement qui cependant surprend par sa violence extrême. On a retrouvé 103 personnes mises à mort. Leurs corps ont été mutilés post-mortem. La répression civile et militaire du soulèvement nord constantinois, menée par les autorités françaises, reste encore, à l'heure où nous sommes, totalement imprécise quant au nombre de morts. On sait qu'il y en a eu beaucoup, mais pour vous donner une idée du flou dans lequel tout cela baigne, de l'imprécision des archives auxquelles sont confrontés les historiens, la fourchette se situerait entre 10 000 et 45 000 morts. Herb Greer, caméraman indépendant, spécialiste de l'Algérie, nous donne une petite idée du tableau. Il y a eu un énorme massacre. Un musulman avait été tué par un policier français. Et par vengeance, les musulmans tuèrent quelques Français. En représailles, un croiseur français bombarda Sétif depuis le golfe de Bougie. Les prisonniers de guerre italiens durent participer à ce pogrom contre les Algériens. Ce fut un horrible massacre. Dans les années 50, Sarah Dia, jeune chanteuse sur le sentier de la gloire, se rendait à une ouada pour un tour de chant. Mais ce jour-là, une grosse pluie gâcha la fête et Sarah Dia de se réfugier dans une cantina pour y boire un café, son unique boisson. Soudain, des clients français l'aperçoivent et la reconnaissent. Flattée, elle veut leur offrir une tournée, mais elle ne connaît pas cette langue. Elle se rappelle juste d'un bout de chanson. « Madame, remettez un panaché, remettez !» Cheikh Harimiti était née et allait devenir grande, immense. Elle chante ici « Ma andishma, je n'ai rien ». Des lendemains qui ne chantent pas. Toujours est-il que la France ne croit pas que ce soulèvement en Algérie recèle une quelconque importance. C'est un soulèvement local. La France a de plus graves problèmes à traiter. Il faut d'une part reconstruire le pays et les politiciens ont quelques soucis majeurs. L'instabilité ministérielle est la grande mode du moment. De 1945 à 1954, 20 gouvernements vont se succéder. Certains voient leur mandat se terminer au bout d'une semaine. Raison majeure de cette turbulence politique, la guerre que la France a alors sur les bras, à l'autre bout du monde, en Indochine. Bonjour. For 7.5 years, war has raged in French Indochina. La guerre qui ravage l'Indochine dure depuis plus de 7 ans. Mais il aura fallu la défaite de Dien Bien Phu pour que le monde comprenne qu'il s'agit de bien plus que d'une guerre, d'escarmouche, qu'il s'agit d'une guerre totale. La guerre d'Indochine coûte à la France 1/10 de son budget annuel et la vie d'un tiers des jeunes officiers sortis des académies. Au total, plus de 100 000 hommes sont morts dans cette lutte, sans compter les mutilés, les blessés. Sans compter non plus les morts côté indochinois. Une Indochine que la France va bientôt abandonner, la défaite de la France à Dien Bien Phu sonne le signal du départ des armées. Et à Paris, celui du gouvernement. C'est un nouvel homme qui émerge alors, Pierre Mendès France. Très rapidement, Mendès, ainsi qu'on le surnomme, parvient à un accord de paix qu'il signe avec l'Indochine à Genève en septembre 1954. C'est la première fois depuis 1939 que la France n'est enfin plus en guerre. Elle peut souffler un peu. Mais ce répit va être de courte durée. En Algérie, dans la nuit du 31 octobre 1954, le 1er novembre 1954, je me trouvais sur le territoire algérien, Kenchela. On était là pour passer la nuit dans une petite caserne à l'entrée de cette petite ville. Et le lendemain, on devait repartir et à 1h du matin, on a été attaqué. Et notre sentinelle, celui qui était de sentinelle, qui était devant la caserne, a été blessé grièvement. Nous l'avons transporté dans la nuit à l'hôpital de Batna, dans un camion, dans un JMC, et il est décédé 2 jours après, il se nommait Marquet. À Batna, il y avait une autre batterie, c'était la BCS, batterie de commandement de service, ça veut dire, et qui ont été attaqués à peu près à la même heure, et pas la sentinelle, mais le brigadier de poste est sorti voir ce qui se passait, à 1h du matin, ça tirait, et il a été mortellement blessé, et il s'appelait Cochet. Avant de nous attaquer, ils avaient fait sauter le transfo qui était en dehors. En plus, on était dans des lieux qu'on ne connaissait pas, dans le noir. Nous, qu'on était derrière les murs, on essayait de faire quelque chose, mais on ne voyait rien. On tirait des rafales comme ça par-dessus, mais ça n'allait à nulle part, on ne pouvait pas répondre. Et eux, par contre, ils nous balançaient des boîtes avec des chiffons, comme des cocktails Molotov, je ne sais pas, ça tombait par terre, ça faisait des grandes flammes. On avait tous nos camions qui étaient alignés vers ce mur, et puis on avait la réserve d'essence, on avait un camion qui avait 800 litres en réserve, parce qu'on roulait. Alors on essayait de les démarrer, et puis les retirer de ce mur, pour pas qu'ils soient atteints. Voilà les premiers morts de la guerre d'Algérie. Pas la guerre, les événements. On parlera de guerre, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, hein, quasiment avant-hier. Et ce ne sont pas les seuls. Au matin du 1er novembre, la France se réveille de son sommeil civilisateur, comme le dit Raphaël Branche. Elle est réveillée par une vague d'attentats, et là encore les chiffres sont flous. On oscille entre 30 et 70. 70 attentats peut-être, qui se déroulent en tout cas en territoire algérien, ça on en est sûr, dans les Aurès, et sont revendiqués par un groupe encore inconnu, mais bientôt célèbre, le Front de Libération Nationale, prononcé FLN. Guerre ou événement, ça change rien pour les soldats qu'on envoie illico presto régler le problème sur place. Des soldats qui n'ont pas même eu le temps de se nettoyer de la boue des rizières indochinoises et dont, c'est le moins que l'on puisse dire, le moral n'est pas au beau fixe. Le commandant Denois de Saint-Marc nous en apporte le témoignage. Et lorsque, je passe rapidement, en 1954, au moment des accords de Genève, nous avons dû abandonner l'Indochine, c'est la honte au cœur que nous l'avons fait, car nous avons abandonné des populations qui s'étaient engagées à nos côtés et qui, après notre départ, ont été massacrées. J'ai vu de mes yeux, bien avant l'heure, des boat people se jeter à la mer pour rejoindre nos bateaux qui quittaient l'Indochine et particulièrement le Vietnam. Nous avons donc été engagés en Algérie, la rage au cœur et la honte au cœur d'avoir été obligés d'abandonner les populations que nous avions engagées. Si le moral des troupes françaises est plutôt dans les Rangers, il n'en est pas de même du côté algérien. Nous écoutons à présent Abdelkader Chanderi. L'Indochine était un pays pauvre, sous-développé. Et la France, un pays supposé puissant et moderne, un pays qui avait perdu la guerre contre des pauvres gens, démunis, qui se battaient à main nue. Cela a eu un grand impact. La musique arabo-andalouse, elle a beau ne pas être écrite, elle repose sur des règles strictes. Bien avant la chute de Grenade, des musiciens l'ont transportée en Afrique du Nord. On l'appelle Nouba. Jadis, il en existait une pour chaque heure de la journée. Aujourd'hui, la moitié a disparu. La Nouba à Dil, elle, se joue entre 23h et 1h du matin. On est un peu en avance. Elle est jouée ici par Habib et Hassina Gerroumi. Mais ici, ils ne font pas dans les règles. À la place de l'orchestre, on ne trouvera que la derbouka et le oud. C'est pas dans la tradition, mais chut, il ne faut pas le répéter. Chapitre 4. Stratégie, matériel et désarroi. Le but du FLN, le but du Front de Libération Nationale, il est d'isoler les Aurès, qui ont longtemps été une région occupée par les bandits, et d'en faire désormais leur place forte. Le 3 novembre, le ministre français de l'Intérieur se rend immédiatement sur place pour se rendre compte de la situation. 14 000 soldats français sont disponibles pour le secteur, 2 bataillons parachutistes, 5 bataillons d'infanterie et 10 escadrons de garde mobile. Hein, ça fait quand même du monde. Bon, bien sûr, question outillage, il y a un peu de retard. On est encore équipé du fusil Lebel. Le fusil Lebel première époque, c'est-à-dire celui qu'on utilisait en 14. Bon, enfin, il a fait ses preuves, hein, ce fusil. Il n'y a pas de raison qu'il rouille maintenant. Et puis en face, ils sont encore moins bien armés. Pour les engager, le Felaga n'a qu'à bien se tenir. On va lui faire bouffer son turban. Pour les appeler, c'est déjà pas tout à fait le même mode. Le lendemain, il y a eu des petites représailles quand même. C'est-à-dire, on a arrêté des suspects, tout. Ça se passait assez mal. Hein. Les gars acceptaient mal qu'ils aient un ou deux morts. Hein. Vous, personnellement, comment vous aviez ressenti ces morts? Ben, j'étais comme eux, moi. On peut pas. On avait de la peine et puis on comprenait pas bien pourquoi. On était des jeunes appelés, on ne savait pas bien pourquoi on nous avait tiré dessus et tout. Nous, on disait l'Algérie, la France, tout, on ne savait plus bien où on en était. Hein. Et oui, déjà le soldat français est égaré dans ce bled qu'il découvre. Pour preuve de la confusion, à leur arrivée, certains anciens de l'Indo, c'est-à-dire de l'Indochine, appellent l'arabe le Viet. Le décalage horaire, ça vous arrange pas toujours la ligne de mire. Non, décidément, le soldat est confronté à de la guérilla pure et simple, une guérilla sur un terrain qu'il ne maîtrise absolument pas. Le 7 novembre, de retour en France, le ministre français de l'Intérieur prend la parole et, avec un peu d'oreille, vous allez le reconnaître. Il y a 2 mois, la catastrophe d'Orléansville frappait l'Algérie et avec elle la nation française tout entière. Contre les rigueurs de la nature, les hommes s'unissaient. Un grand mouvement de solidarité apportait à chacun un peu de consolation et beaucoup d'espérance. Mais voici qu'aujourd'hui, par la volonté de quelques-uns, un nouveau drame atteint les 3 départements d'Algérie. Pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on a tué, incendié, provoqué l'émeute et le désordre. Et pourquoi ? Pourquoi donc furent-ils abattus, ce jeune instituteur et sa femme, qui devaient le lendemain commencer leur belle et difficile mission au cœur même de l'Aurès ? Ils venaient apporter aux enfants algériens les leçons d'une vieille et haute culture, en même temps que les richesses d'un cœur fraternel. Que cherchaient donc leurs assassins ? Voulaient-ils aussi, en abattant le caïd de Msounesh, Ben Hadj Sadok, qui retournait à son poste de responsabilité, crier leur hostilité contre les anciens combattants de l'armée, ces anciens combattants qui fournissent tant de cadres courageux et utiles à l'administration. Qu'a-t-on voulu prouver en tirant à bout portant sur ces jeunes soldats qui montaient la garde d'un casernement ? Crimes odieux contre d'innocentes victimes, crimes absurdes et qui seront châtiés car celui qui emploie de tels moyens doit savoir qu'il sera frappé à son tour. François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, en cette fin d'année 1954, l'affirme, ceux qui ont attaqué et qui ont tué les représentants de la France, ceux-là ne doivent avoir aucun doute, l'État français va se mobiliser. L'Algérie, c'est la France, poursuit d'ailleurs François Mitterrand, l'Algérie, c'est à la France. La France, elle connaît pas très bien l'Algérie, hein, quand même. Arabes, Kabyles, Berbères, Chaouias, Touaregs... Que de mélange, ces gens ont autant de mœurs différentes que de langues étrangères les unes aux autres. Aucune raison pour la France de vouloir reconnaître l'idée d'une nation algérienne. La seule chose qui unirait à la rigueur tous ces Algériens, c'est la religion. Et puis l'Algérien est volontiers moins ouvert que le Marocain, hein, ou le Tunisien, beaucoup plus souriant. Non, l'Algérien est un être rude, il faut en convenir, à mater pour le cas où... Nous qui vivions en ville, nous subissions moins cette vexation, ces vexations, comme ceux de la campagne, par exemple. On était mélangés avec les Européens ici, mais il y avait une ségrégation raciale. Et le cinéma, il y avait quand même... On ne nous permettait pas de rentrer dans c'est un peu l'apartheid, si vous voulez. Dans des plages, quand on était dans des plages, on nous isolait, parfois on nous emmenait en prison parce qu'on a osé côtoyer les Européens. Les riches souffraient moins de cette situation que les pauvres. Les gens instruits souffraient moins que les gens non instruits. Donc il y a, si vous voulez, à la veille de l'insurrection de 54, il y avait tout de même une certaine diversification. En tant qu'Algériens, nous n'avions pas le droit d'aller aux endroits où les Français allaient, d'habiter dans les endroits où les Français habitaient. Nous n'étions pas autorisés à aller sur les plages où les Français allaient. Il y avait un grand panneau sur lequel il était écrit « Interdit aux chiens et aux Algériens ». Interdit aux chiens et aux Arabes. C'était marrant, hein, je voyais pas l'Algérie à côté de l'Afrique du Sud. Je suis vraiment nul en géographie, moi. Enfin bref, la France se sent chez elle, elle y est depuis plus d'un siècle, on va pas changer les bonnes habitudes. Walking down the street, seeing the girls, seeing the boys, seeing the guys, seeing the friends. Checking what your mama's doing. Mm-hmm.